vous écoutez Anthologie de la création, dirigée par Daniel Abrecorn, assisté de Stanislas, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 3 octobre 2019 de 10h45 à 11h45 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Marion Sigaud, historienne en Bourgogne, on précise. On peut dire. Et oui. Partout, et oui, partout. Oui. Et partout, mais à partir de la Bourgogne. Voilà. Emmanuel, seconde invitée, Emmanuel Morse d'Incan, qui est mère de famille et ingénieur du son de voilà. Profession. Et nous aurons tout à l'heure au téléphone, puisqu'elle est en balade, enfin on travaille en Europe, Omera Cellier, qui est la présidente de l'association internationale Innocence en danger. Donc j'ai intitulé cette émission Protégeons, sauvons nos enfants. Habituellement cette émission, enfin habituellement souvent, elle s'est battue pour des problèmes pour l'IVG, contre l'IVG évidemment, pour l'euthanasie, etc. Là nous allons essayer de proposer une défense des enfants de la naissance à l'adolescence. Voilà, vaste programme. Vous avez dit pour l'euthanasie, vous vouliez dire contre l'euthanasie. Oui, bien sûr, tu avais compris. Même moi, j'ai nous compris. Nous avions rectifié. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais lire un petit extrait de mon anthologie critique et subjective de la poésie française. Nous avons bien besoin de poésie dans ce monde. Et nous sommes avec le troubadour Rigaud de Barbezil, qui est né avant 1170 et mort après 1220. Il fut un pauvre vavasseur du château de Barbezieux de Saintonge. On dit qu'il était très timide en société, mais beau de sa personne et doté d'une belle voix, d'un bel organe, comme on dit. Il s'est pris de la femme de Geoffroy de Tonnay, vaillant baron de cette contrée, et la surnomma dans ses œuvres « Mels des Donna, meilleure des dames ». Les animaux, parfois exotiques ou imaginaires, peuplent ces chansons, dont voici un extrait en tout point honorable. Comme d'habitude, je lis une strophe en ancien occitan, suivie de ma traduction du morceau intégral. « A tot l'homon suit clamans, demi a de trop parlar. Et ce pog contre phare, fénis, dont non es mes us, que sart et pos ressort sus. Marcera, car suitant mal annonce, amos fag dits mensongère et truans, ressorcera en sospir et en plors, les on betats et jovens et valor, esqueno ni fal mal un poc des mers, quenon insion assemblat tuit libé. Je me plains à tout le monde de moi et de mon trop-parler. Et si je pouvais imiter le phénix, dont le semblant se brûle pour ressusciter, moi je me brûlerais car suis si malheureux de mes fausses paroles mensongères et perfides, je ressusciterais en soupirs et en pleurs, en pleine beauté, en jeunesse et valeur, que rien n'y manque, fort un peu de pitié, afin qu'y soient rassemblés tous les biens. Que ma chanson soit mon interprète, là où je n'ose aller ni franchement regarder, tant suis vaincu et effrayé, et que jamais personne ne m'en excuse. Mels des Donna, meilleure des femmes, que j'ai fui voilà 2 ans, je vous reviens douloureuse et pleurant, tel le cerf ayant fini sa course, se tourne et meurt sous le cri des chasseurs, ainsi retourne dame en votre pitié, mais ne vous chaillez si d'amour ne vous en souvenez. Mmh. Eh bien, rebonjour, et je donne d'emblée la parole à Marion Sigaud. C'est gentil, merci. Qui avait un train qui était en retard. Oui, oui, mais ça, c'est pas de ma faute. Bon, ça, c'est vraiment le train. C'est pas le sujet. Nous ferons une émission spéciale sur la SNCF une autre fois. Alors, qu'avez-vous à nous dire sur l'enfance, le péril de l'enfance? Le péril pour l'enfance, c'est d'abord le péril pour les parents, je crois. Hein. Parce que moi, quand je regarde la succession de législations qui se mêlent des problèmes de l'enfance, de la famille et tutti quanti, je note que le 20 novembre 1989, la plupart des États au monde, alors tout ça, ça se fait autour de l'Organisation des Nations Unies, oui, l'ONU, grande organisation criminelle devant l'éternel, donc la plupart des États ont signé la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors c'est beau ça, les droits de l'enfant, ça sonne bien quand même. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que les droits de l'enfant? Ben, c'est les portes de l'enfer. Parce que plus l'enfant a de droits, moins les parents ont d'autorité. Oui, bien sûr. Vous avez compris? Donc les parents, dans cette convention, sont définis comme destinés à donner à l'enfant des conseils appropriés à l'exercice de ses droits. Donc l'enfant a des droits et les parents sont là pour les faire valoir. Et alors comme maintenant... C'est le monde à l'envers. Non mais attendez, c'est juste épouvantable. Ouais. Les droits de l'enfant, c'est les portes de l'enfer. Mais direct. Et tout en découle. Alors, bon, il y a des horreurs en amont. Mais alors en aval, ce qui dégringole, c'est épouvantable. Mmh. C'est épouvantable. Parce que c'est la fin de l'autorité parentale. Et ni plus ni moins. Puisque l'enfant a des droits. Regardez, les États partis reconnaissent à tout enfant le droit à un niveau de vie suffisant. Ben, ça veut dire que si les parents ne peuvent pas donner un niveau de vie suffisant, on enlève l'enfant, puis on le donne là où il va y avoir un niveau de vie suffisant. Oui, c'est ça. Suivez mon regard. Alors, incidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a de nombreuses années, c'était pendant la présidence, je ne me souviens plus quel président des États-Unis, il y avait un petit garçon qui avait été naufragé d'un de ses passages à travers les Caraïbes. Oui. Il était passé avec son papa, et il avait été naufragé. Non, il était passé avec sa mère et son père était resté derrière. La maman était morte et l'enfant avait été secouru par les forces américaines qui l'avaient donné à des oncles et tantes, enfin toute la famille de Cubains émigrés aux États-Unis qui ont dit, mais attendez, le gosse, il nous revient à nous. Pourquoi? Bah, parce qu'on va lui donner un niveau de vie qu'il n'aura jamais à Cuba. Ouais. Et le père disait, mais attendez, c'est mon gosse. La mère est morte, rendez-moi mon gosse. Non. Il est à nous. Le père était cubain aussi. Le père était cubain. Ouais. Bah, il était comme ça, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'avait pas choisi. Donc, je me souviens que l'affaire avait fait scandale parce que il y avait des tas de manifestations qui se faisaient autour de cette famille de cubains expatriés aux États-Unis qui disaient, alors ils montraient le gosse jouant avec des petits vélos, des jouets sophistiqués. Regardez, il est heureux, il est à nous parce que nous, on peut lui donner un niveau de vie supérieur. Ouais, ouais. Et je me souviens d'avoir vécu ça avec beaucoup d'inquiétude. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce nouveau droit? Le droit au luxe, le droit... Et le père a eu gain de cause, figurez-vous. Ah, alors ça, c'est extrêmement étonnant. Il y a eu une descente de police, je crois que c'est... Alors, est-ce que c'était le président Clinton? J'en sais rien, il a mal évolué depuis, hein, en matière de droit de l'enfant. Très mal. Ce sera un autre sujet un autre jour. Mais je me souviens qu'il y avait eu une descente de police, hein. L'enfant a été enlevé de force et rendu à son père. Ça, maintenant, c'est plus envisageable. Maintenant, on va aller chercher les enfants au père aimant. Et là, j'entends plein de choses absolument épouvantables autour de moi. Épouvantables. On enlève les enfants à des parents en souffrance parce qu'en difficulté, le chômage, enfin, un coup dur. L'enfant n'a plus, ne peut plus faire valoir ses droits au confort, ses droits à ceci, cela. On l'enlève. Alors, purement économique. Alors que évidemment, l'enlèvement entre guillemets d'enfants contre des abus évidemment des parents, inceste, etc. Jadis c'était ça, c'est-à-dire des enfants battus. Là c'est de plus en plus difficile. Hein, et là c'est une histoire purement économique. C'est comme toutes les stars américaines qui vont faire leur marché en Afrique, en Asie, et on prend des enfants au nom du droit à une vie meilleure. C'est-à-dire le confort occidental. Et ça, c'est le droit de l'enfant. Les pays sous-développés sont des choses, des marchés à puiser des enfants, à aller chercher les enfants. Une vie meilleure et une grossesse moins douloureuse, puisqu'il n'y a plus de grossesse. Voilà, c'est plus simple. Ou on peut faire porter son enfant bientôt par sa femme de ménage. Voilà. Par exemple. Attendez mieux que ça. Par ses femmes de ménage. Par une couveuse transparente qui attendra le papa et la maman revenant du boulot dans le salon. Non, mais attendez. Ou les deux papas qui reviendront du boulot. Bien vu, papa. Bien vu, Stanislas. Maman, attendez, on va pas. On ira certainement plus loin que ça avec un papa et une plante. un papa et un animal. Et un chien, voilà, ouais. Bien sûr. Ouais. Donc moi, je pense de plus en plus... Alors, bon, qu'il soit dit ici tout de suite, je n'ai pas d'enfant, je suis désolée, mais j'ai eu une enfance. Voilà. Et là, voilà. Et ça, oui. je ne serai jamais assez vieille pour ne pas m'en souvenir. Et on s'en souvient tous de notre Et on s'en souvient tous. Ouais. Et avec toutes les difficultés que j'ai eues avec mes parents, je me réjouis d'avoir eu un papa qui avait de l'autorité et une maman qui avait de l'amour à revendre. Voilà. Tout le reste, c'est contingent, c'est accessoire. Mais essentiellement, j'ai connu ce que c'était que l'autorité. Si je suis quelqu'un qui a tendance à respecter la loi, c'est parce que j'ai eu un père pour me l'apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Il est bien évident que si j'avais été ballottée de famille de ci en famille de ça, puis alors étant donné, quand je pense aux soucis que j'ai eus avec mes parents, ça serait aujourd'hui, on m'aurait arraché ma famille. Hein. Mmh. Alors, les jeunes, dites rien. Cafetez pas. Les droits de l'enfant, c'est abominable. Ouais. C'est abominable et tout en découle. Et alors, il faut savoir qu'en vertu de ce droit de l'enfant, hein, il y a une loi qui est passée en Angleterre qui s'appelle le Children Act, qui est passée juste dans la foulée, et qui fait que on enlève maintenant les enfants à la sortie du ventre de leur mère. Parce que les services sociaux, sur enquête, ont décrété que cette mère avait trop de difficultés, qu'elle ne pourrait pas élever son enfant. Assumer. Donc, on enlève les enfants de façon préventive à la sortie du ventre de leur mère. Mmh. Et j'ai vu un reportage qui montrait que des femmes, il y avait des féries, plein de femmes enceintes qui venaient accoucher en France. Parce qu'en France, à l'époque, c'est-à-dire il y a quoi, il y a moins de 10 ans, on n'avait pas encore ces mœurs-là. Mais ça vient! Ça vient. Oui, bien sûr. On y vient. J'ai rencontré quantité de maires, hein, il y a quelques mois à l'Assemblée nationale qui s'était rassemblée pour parler de leurs problèmes, un certain nombre de maires à qui on a, de façon totalement abusive et contre la loi, enlevé leurs enfants pour le confier à on ne sait pas qui. Ouais. Donc les droits des parents avant les droits de l'enfant. Mmh. Parce que les droits des parents, c'est la protection de l'enfant. Une fois que l'enfant a des droits, il n'y a plus personne pour le protéger. Plus c'est personne. Même les devoirs des parents. Pardon ? C'est même les devoirs plus que les droits des parents. Mais les deux, de protéger l'enfant, c'est un devoir, c'est pas un droit. Parce qu'à force de dire que les parents ont des devoirs et qu'ils n'ont pas de droits, on laisse à un certain nombre de gens le soin de dire qu'ils ne font pas suffisamment leurs devoirs. Donc, ils ont des devoirs, c'est entendu, ils ont des droits également. Faut pas l'oublier. Parce que j'ai toujours entendu ça, oui, mais les parents, ils ont des devoirs. On est d'accord. Et ils ont le devoir de respecter les droits de l'enfant, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les deux. Mmh. Ne pas oublier le droit. Vous faites d'un enfant, vous avez le droit de l'élever. S'il y a des abus, bon, il y a des abus, parlons des abus. Mais là, ceux qui abusent, c'est bien quand même les institutions et les autorités qui suivent, mais à la lettre, les préconisations de l'organisation criminelle des Nations Unies. Ouais. Mais dans les collèges, il y a partout, très souvent, des numéros de téléphone, numéros verts. Mm-hmm. Si à la maison, téléphoner, enfin, ils font tout ce qu'ils peuvent, effectivement, pour retirer l'enfant de la famille, enfin, vraiment le rendre extérieur, le sortir de son cadre familial. Quoi. On fait des enfants des délateurs. D'ailleurs, regardez, il y a une loi qui vient de passer qui s'appelle la loi contre la fessée. Comment voulez-vous faire de l'enfant droit si vous ne faites pas des enfants des délateurs? Alors on dit, mais la loi ne sera pas contraignante. Attendez, si elle n'est pas contraignante, ce n'est pas une loi. Oui. C'est pas une loi. Exactement. Comme en Russie sous le communisme, où les enfants balançaient leurs parents. Mais en Suède, les enfants balancent leurs parents. Pardon, Daniel. Oui. Je voulais passer la parole à Emmanuel, morse d'un corps. Bah, alors, par exemple, donc, là, on avait... Qui a quelques exemples intéressants. Alors, vous avez combien d'enfants, Emmanuel? J'en ai quatre. Quatre. Avec de des âges assez étalés, oui. Entre 20 ans et 3 ans. Oui, c'est pas possible, elle est toute jeune, là. Je ne crois pas. Non, mais du coup, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai eu... Ce sont les siens, elle les a fait. Oui, je ne les ai pas trouvées dans l'air d'aujourd'hui. Ah, mon Dieu, qu'elles sont belles. Avec vos petites mains. Voilà, avec mes petites mains, je les ai tricotées. Et du coup, oui, c'est vrai que ça fait un moment que je suis confrontée au système scolaire. Et le fait est que ça fait longtemps aussi qu'on peut constater que leurs recettes sont dans les tuyaux. Parce que je peux vous dire, par exemple, le brevet des collèges. En 2005, alors j'avais pas d'enfants qui passaient le brevet des collèges en 2005, mais ils ont donné ce sujet comme brevet blanc plus tard. Et donc, ils donnent cet exemple par rapport à ce qu'on dit, le sexisme, enfin la façon dont il faut formater les enfants sur... Et alors c'est vraiment un formatage incroyable. George Sand, en s'habillant et en vivant comme un homme, a choqué la société de son temps. Imaginez une situation où un adolescent ou une adolescente, déjà... Tout de suite, ils ne peuvent pas mettre un adolescent. Hein. Il faut bien souligner si un adolescent ou une adolescente. Voilà. Élève de 3e, ne se sentant attiré et eux, entre parenthèses, hein, déjà à l'époque, hein, en 2005, que par une activité ou un domaine professionnel majoritairement représenté par le sexe opposé. Exemple, rugby, électrotechnique, ou plomberie pour une fille, danse classique, puériculture ou métier de sage-femme pour un garçon. Face aux arguments sexistes de son entourage, donc il part déjà du principe que l'entourage va forcément s'opposer à ses choix, l'adolescent, entre parenthèses E, décide d'écrire une lettre ouverte dans le journal du collège pour protester contre ses préjugés. Oh là. Voilà. Déjà la brevet délation, des collèges, ça déjà, c'est en 2005. Déjà la dès que vous avez une opinion qui leur déplaît, vous avez un préjugé. En 2005. Et ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, mon fils était au collège Lamartine, qui est près de la rue Lafayette. Et dans ce collège, il se trouve qu'il y a des chams qui font danse horaire ménager danse. Et les garçons qui faisaient danse à l'école étaient très populaires. C'était très à la mode, déjà à l'école, de faire de la danse pour un garçon. Enfin, y a peu de gens quand même qui, même que ce soit aujourd'hui ou il y a même un certain temps, qui s'opposaient au fait que leur fils veuille faire de la danse. Et donc, même mon fils à l'époque, qui avait donc 13 ans ou 14 ans pour le brevet des collèges, je me disais, mais c'est ridicule, puisque ceux qui font de la danse, personne ne se moque d'eux. Personne ne s'oppose à ce qu'ils fassent de la danse. Et donc ça, c'est en 2005. En 2014... À condition qu'ils ne soient pas en tutu, tout de même. Voilà, effectivement. Effectivement. Et en 2014, par exemple, il y a aussi le bac ES qui dit, par exemple, l'épreuve de bac en sciences éco, à l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous démontrerez que la famille peut constituer un frein à la mobilité sociale des individus. Mon Dieu, vous démontrerez. Sujet de bac. Hein. Vous démontrerez. C'est-à-dire c'est pensez-vous que... Voilà, c'est ça, exactement. Oui, oui. C'est un fait acquis. C'est un fait acquis. C'est quoi la mobilité sociale? C'est par exemple si la famille interdit de prendre une trottinette ou je sais pas moi. Non, mais en gros, ça peut être un frein. Si jamais on veut chercher du travail à l'autre bout de la France, si on a une famille, c'est un problème. Enfin, j'imagine. Vous avez pensé que vous retirez vos enfants de l'école? Si le petit garçon veut être esthéticienne, par exemple. Voilà, exactement. Non, mais j'ai une cousine, effectivement, qui a retiré ses enfants de l'école, qui a 5 enfants et qui leur fait la classe en horaire aménagé, qui peut se le permettre. Il faut se regrouper maintenant pour faire des écoles parallèles. C'est-à-dire que voilà, il faut pouvoir avoir son mari qui travaille, etc., etc. Enfin voilà. Oui, il faut se regrouper. Il faut avoir les moyens. Ouais. Organiser donc, la résistance. Progressif. Et juste un dernier petit exemple aussi que je trouve assez drôle, ça c'est cette année, le 4 septembre, mercredi 4 septembre. Donc c'est vraiment le premier devoir qui a été donné à faire aux enfants. Ouais, lire attentivement et ça c'est pour des élèves de 10 ans. CM2. Lire attentivement cet article, noter sur le cahier d'essai ses réflexions, son avis. Donc c'est pas un exercice de grammaire, ni d'orthographe, ni de conjugaison, ni de quoi que ce soit. On fait cracher aux enfants ce qu'ils pensent, voilà. Ce qu'ils se disent à la maison en gros. Voilà, donnez votre avis. Une étude publiée en 2010 révèle que les idées reçues sur l'image de la femme persistent chez les adolescents. 800 adolescents ont été interrogés sur leur perception des différences filles-garçons. Et selon les résultats, 3 adolescents sur 4 pensent qu'être une fille ou un garçon, ça change beaucoup de choses. Les clichés ont la vie dure. Mais ils sont malades, c'est extraordinaire. Et juste la fin, selon cette enquête réalisée auprès de 800 adolescents âgés de 15 à 18 ans, la femme est rattachée aux notions de sensibilité, féminité, maternité. Vous vous rendez compte, c'est épouvantable. Quelle honte. Alors que l'homme, lui, incarne la virilité, le machisme. Évidemment, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre un truc péjoratif pour les hommes. Et le travail. Les jeunes interrogés pensent majoritairement que l'homme est plus violent que la femme, que c'est à lui de séduire, qu'il a plus de chances de réussir sa vie professionnelle. Donc, heureusement. Ils peuvent pas s'en empêcher, quoi. Vraiment, il faut absolument former les enfants. Ils présentent ça, c'est pervers. Ils présentent ça comme si c'était vraiment quelque chose c'est épouvantable. Mais ils sont malades. Ils sont malades. Ce sont des différences artificielles et inventées. Voilà. On se demande comment les enfants peuvent penser des choses aussi inventées. Dans le monde, c'est une merveilleuse différence. L'éloge de la différence. Il y a rien de plus extraordinaire. C'est quand même agréable d'entendre que les enfants sont choqués et que, je veux dire, les résultats de tout ça, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Ça marche pas. Exactement. Le réel fait irruption. J'avais vu en son temps un reportage sur la Suède qui disait qu'il y avait des enquêtes qui étaient impubliables mais qui se passaient sous le manteau. C'est que quand on demandait vraiment aux filles ce qu'elles voulaient faire, elles voulaient être esthéticiennes, coiffeuses, infirmières, sages-femmes, maîtresses d'école. Les garçons, ils voulaient être mécanos, conducteurs de travaux. Enfin, Mais pourtant, la Suède, ils étaient en avance de plusieurs années de propagande, etc. Après plus de 20 ans, exactement. Après 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que les jeunes gens, enfin les c'est les pour ça d'ailleurs ils étaient malheureux comme les pieds. Moi j'ai bien connu la Suède, mais c'est pour ça que d'ailleurs l'homme du sud avait un très grand succès chez les suédoises et réciproquement. Oui, mais là, c'est pas le problème. Réciproquement, c'est. Non, mais j'imagine très bien l'homme du Sud, ses filles éblouies devant tant de virilité. Elles sont bien les Suédoises. On arrive à éblouir encore. Voilà. Parce qu'elles contrôlaient leur mari ou leur frère, etc. Parce que la Suède, ça a été très en avance sur la France, sur l'Italie, n'en parlons pas. Non. Donc c'est plein d'espoir, ce que vous nous dites, c'est que le réel reprend toujours le dessus sur l'idéologie. Enfin, le réel reprend le dessus, mais à quel prix? Je veux dire, je crois que la Suède est un pays qui est en train de sombrer. Ah bah, d'où l'immigration, d'ailleurs. Oui, c'est un pays qui est en train de sombrer. Moi, j'ai regardé ce que j'ai regardé un petit peu près sur l'interdiction de la fessée en Suède, c'est juste abominable. C'est abominable. Alors, on organise les parents, on interviewe des parents qui disent que même en rêve, ils n'envisagent même pas l'idée qu'ils pourraient frapper, c'est-à-dire porter la main un tout petit peu. Ils disent rêve, ils disent pas cauchemar. Mais vraiment, ils n'oseraient pas. Donc, comment fait-on pour obtenir obéissance d'un gamin qui fait un caprice? Eh bien, on le convainc. Et on discute, on passe sa journée à discuter. Il faut argumenter. L'enfant, il finit par vous prendre pour un con. Alors attendez. Puis ça finira par un vote. De dire non, parce que non, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est moi l'autorité, puis t'apprendras quand tu seras grand. L'enfant est un apprenant. Il y aura des votes dans les familles aussi, des votes. Alors, je vais vous expliquer ce qui est absolument terrible de ce que j'ai compris en Suède. Il faut savoir que c'est ce qui se prépare chez nous. C'est que. On organise pour prévenir la maltraitance, puisque toute fessée, mais c'est même pas fessée, c'est tape. Une tape, c'est la maltraitance. On organise des temps de parole dans les écoles. Alors, on envoie des travailleurs sociaux, et tout le monde est d'accord pour ça, sauf ceux qui subissent, mais de toute façon personne ne peut le dire. On envoie des travailleurs sociaux organiser des groupes de parole avec les bambins. Alors on les met en rond, puis on les fait discuter. Maman, elle m'a menacé. Toc le soir, maman m'a menacé. J'ai vu le cas d'une gosse qui raconte dans la cour de récré, à portée d'oreille de la surveillante de la cour, que maman l'avait menacée la veille d'une fessée, le soir. L'enfant couché dans un foyer. Il faut pas menacer, il faut tout de suite donner la fessée. Vous vous rendez compte? Donc, les services sociaux, alors, d'une part, préviennent immédiatement la police qui, manu militari, enlève les enfants, et ça, c'est dans le cas avéré où l'enfant a fait savoir que, mais là, c'était une menace, mais il y a les groupes de parole organisés par des travailleurs sociaux qui font le tour des écoles et qui poussent les enfants à faire de la délation. Et ça, c'est la Suède. C'est-à-dire que les parents vivent dans la terreur. Ça, c'est l'enfer. Ça m'étonne pas. Mais c'est les droits de l'enfant. Non, mais c'est au-delà de l'éthique, alors... là, en fait. C'est au-delà. C'est le pire du pire. En plus, là, je suis désolé, mais... Et le droit au masochisme, alors Quand tu seras grand... Attendez, là, ils vont avoir des réclamations. Quand tu seras grand, tu feras ce que tu veux. À moins qu'on a... Tout le monde ne peut pas être content. Ah, c'est ça. On a tous eu des fessées dans ce studio, je pense, quand on était petit. On s'en est sortis. Beaucoup plus que ça. J'ai eu coup de pied au cul de prof. La tête cognée sur ma table, etc. Par l'oreille tirée jusqu'à par les profs, les cheveux tirés, poussés, humiliés, traités de fruits pourris. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce genre de pédagogie. Mais ce que je veux dire, c'est que le droit de correction pour les parents, je suis désolée, ça s'appelle l'autorité. Moi, j'ai des amis qui me sont très chers, qui étaient chez moi ce week-end, et le petit gamin, tout mignon de 2 ans, qui faisait son caprice, j'ai vu la main qui est partie, qui a traversé la table, puis qui s'est posée juste à côté. Paf ! Et le gosse a arrêté. Ben voilà. Je lui dis, tu vois, je prends une photo, on te l'enlève. J'envoie à qui il faut, j'envoie à qui il faut et on t'enlève ton gosse. Mais je ne le ferai pas, parce que moi je suis pour l'autorité. J'aime bien l'autorité. Un message d'un auditeur. Encore bravo à Radio Courtoisie pour la défense des enfants. Monseigneur Aupetit soutient cette cause. Et ensuite, une association chrétienne avait montré un avortement en direct à la télévision il y a quelques années. L'auditeur en est encore bouleversé et est devenu contre l'avortement, alors qu'auparavant il n'avait pas vraiment considéré l'horreur que cela représentait. Voilà. Sur quelle chaîne? Je crois que c'était une vidéo qui s'appelait le cri du silence qui est visible sur l'internet, sur YouTube. C'était un médecin, un gynécologue qui avait fait ça et qui avait filmé ça alors qu'il avait pratiqué des milliers d'avortements et il s'est arrêté. Il est devenu un militant pro-vie. C'est très bien. Voilà. C'est effectivement, j'ai vu ce document. C'est effrayant. Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose à propos de l'avortement. Je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai été pour l'avortement, comme toutes les femmes de ma génération. Moi, j'avais 18 ans, 68, je cherchais pas, je suis tombée dans le moule. J'ai été confrontée, quand j'avais 30 ans, à une grossesse non désirée que j'avais décidé d'assumer. Et là, j'ai compris à quoi ça servait, l'avortement. C'est pas un droit des femmes, c'est une obligation des femmes. Ouais. C'est pas du tout un droit. Parce que quand j'ai décidé d'assumer mes responsabilités, tout le monde m'est tombé dessus, je dis bien tout le monde, tout l'environnement. J'ai cherché de l'aide, tout ce qu'on m'a proposé, c'est avorte. C'est ça, le planning familial, quoi. C'est ça. Ah non, non, attendez. Tout. Patron, amant, famille, voisin, tout le monde. Il y a deux personnes qui m'ont dit t'as raison. Mais c'était trop tard, j'ai fait une fausse couche. Puis je ne l'ai pas voulu. Ce que je veux dire, c'est que le droit à l'avortement, c'est comme le droit des enfants, c'est un leurre. C'est pour casser. C'était la journée mondiale de l'avortement il y a quelques jours. Mais vous savez, il y a une journée mondiale de l'avortement. Oui, c'est d'abord et avant tout le droit de donner la vie dans des bonnes conditions. C'était samedi ou dimanche dernier. D'accord. C'est monstrueux. Hein. Mais vous savez qu'aujourd'hui encore, quand une femme tombe enceinte, et je peux en témoigner, je pense à quelqu'un d'assez proche, la première chose qu'on lui dit, c'est tu vas le garder. Oui, c'est ça. C'est la première question. C'est une question que les gens posent maintenant. Qui viennent des bons amis, des proches, et voilà. Est-ce que tu vas le garder, quoi? C'est pas. C'est pas bravo, c'est merveilleux. Il y a la censure d'Internet aussi où ils placent les blogs, comme on appelle ça. Les sites pro-vie, oui, sont placés de plus en plus. Ils sont même interdits. Si vous faites suivre par Internet, par un courriel, vous envoyez, et on met devant le planning familial tous les trucs pro-avortement, etc. Enfin bon, c'est. Et heureusement, il y a Vermeling, par exemple, avec SOS Maman, il y a le Docteur Dor, il y a tous ces militants. Mais on sait qu'on est que nous le avons reçu ici. Et on sait à qui ça s'adresse, on sait qui avorte en France. Hein. Oui. Ouais. Vous voulez que je vous raconte une belle histoire? Une belle histoire. Oui. Alors après, nous aurons le téléphone. Hein. Alors je vais vous la dire, parce qu'elle est très belle et qu'elle est absolument authentique. J'ai rencontré une petite jeune fille il y a une vingtaine d'années, dans ma campagne. Elle me dit, Marion, je suis enceinte, c'est un homme marié, il ne voudra pas de moi, j'ai fait une faute, je le garde. C'est bien ça. Mais je ne peux pas, je l'aime, il est marié, je ne l'aurai jamais, je le garde. Je suis ma cocotte. Bravo. Je l'ai rencontré quelques années après, sur un vide-grenier dans le coin, avec son bébé qui était devenu un beau petit garçon, qui est un beau jeune homme à côté, qui m'a dit, regarde, il a adopté mon fils. Je suis heureuse. J'en avais des frissons à la regarder. J'y pense souvent. Belle histoire. Elle dit, je l'aime, je peux pas tuer son petit. Non, je peux pas. Et Wilfried Vermeling, qui a cette association merveilleuse SOS Maman, sauve les mamans enceintes. Bon, les aides, etc. Et c'est extraordinaire parce que quand ils disent je sauve les mamans, ils sauvent les enfants. Il en a sauvé plus de 1000. C'est ce que je vous disais, sauver les enfants, mais ils sauvent la mère en même temps parce que la mère qui est souvent une droguée, une délinquante, une paumée, etc. Comme on dit, à partir du moment où elle s'accroche, elle a compris. Mais c'est merveilleux. Et c'est extraordinaire, elle se met à travailler, elle se met à se réaliser elle-même. Mmh. Et c'est souvent le cas. Mmh. Eh bien, nous allons maintenant essayer de joindre, si notre ami va pouvoir appeler... Je rappelle, en attendant que nos auditeurs sont à l'écoute de Radio Courtoisie, ils écoutent Anthologie de la création. Et ce matin, Daniel Abrecorne reçoit l'historienne Marion Cigaud. Emmanuel Morse-Duncan, qui est mère de famille et ingénieur du son. Et nous allons bientôt parler à Omera Cellier, qui est présidente de l'association internationale Innocence en danger. Nous l'avons peut-être, je ne sais pas. Alors, en tout cas, nous essayons de l'appeler. On peut rappeler Omera Cellier. Donc, cette association Innocence en danger, qui est une grosse association internationale, qui est présente dans, je crois, une dizaine de pays dans le monde, et elle s'est en particulier occupée de cette affaire Epstein, comme on dit en... Attendez, nous ne l'avons pas encore. En anglais. On va voir. On peut rappeler ce qu'il y aura dimanche prochain, en attendant. Pardon ? On peut rappeler la manifestation dimanche prochain ? Allons-y. Alors... Une manifestation anti-PMA. Oui, j'invite PMA. Évidemment tous les auditeurs à venir à cette manifestation. Nous y serons. C'est dimanche 6 à 13h, place Edmond Rostand. manifestations contre la PMA, la GPA à venir, on peut dire. La GPA à venir, et toutes ces choses qui nous menacent. Qui n'est pas une gestation pour autrui, mais une grossesse pour autrui. Voilà. Parce que la gestation, c'est pour les animaux. Voilà. Et. Tiens, bien, bravo. Oui, oui. Alors, ça, on peut jouer sur les lettres, comme on va le faire tout à l'heure. Alors, on a une petite annonce aussi. Peut-être tu vas nous la dire pour un concert avec quelqu'un que nous avions reçu ici. Notre amie Sylvie Nicéphore, qui est soprano, donnera un concert de Lidsey de Mélodie avec une pianiste allemande les 6 et 13 octobre, donc les deux dimanches qui se suivent, au théâtre de l'île Saint-Louis. Réservation 01 46 33 48 65. Je répète, 01 46 33 48 65. Le tarif est à 15 euros et donc c'est à 17h30 le 6 et le 13 octobre au théâtre de l'île Saint-Louis. Après la manifestation, on peut y aller voir notre amie Sylvie Nicéphore. Ce sera sûrement très très bien. Je crois qu'on a de la difficulté à joindre Homera Cellier. Bien, c'est le moment d'improviser, cher Daniel, oui. En ancien occitan ou en nouveau français, comme vous le souhaitez. Je ne sais pas si c'est tout à fait à propos, mais le fait est que là, déjà cette année, à la rentrée, sur les formulaires oui. qu'on a à remplir, il y avait déjà marqué parent 1, parent 2. Ah oui, c'est ça. Pas, c'est pas père et mère, c'est parent 1, parent 2, déjà maintenant. Il n'y a pas mère 1, mère 2, non, pas encore. Enfin, mais la loi n'était pas encore votée. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas encore de loi. Il me semble que d'ailleurs, ce n'est pas encore voté. L'adoption homosexuelle n'existe pas encore pour le moment en France, il me semble. Ouais. Je ne crois pas. Et il y a déjà marqué parent 1, parent 2 sur les formulaires. Ils prennent leurs aises quand même. Mais j'ai déjà vu à la SNCF des formulaires d'abonnement pour des cartes d'abonnement. Il y a marqué masculin, féminin, autre. Oui. Autre ? Ah ouais. C'est bon ça. C'est quelque chose. Formidable. Autre. Non défini, c'est ça. Non déterminé. Ouais, ouais. Bon, très bien. Notre invité ne le sera pas, Homera Cellier, puisqu'elle a décidé de nous planter, comme on dit en vieux François. Oui, oui. Elle ne souhaite pas intervenir à l'émission. C'est bien dommage. C'est très étrange. Je l'avais eu au téléphone. Présidente de l'association internationale Innocence en danger. Voilà. Je pensais que c'était des gens courageux. Et manifestement. Peut-être pas. En tout cas, pas sa présidente, mais c'est étrange. Peut-être qu'elle a un chat dans la gorge. Oui. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle a. Je ne sais pas. Il y a peut-être une raison. C'est un peu étrange. Oh, c'est très étrange. C'est très décevant. Oui, c'est très décevant. Je sais pas. En plus, rappelons que cette association et cette dame avaient exigé la prolongation en France de l'enquête sur ce Epstein, le fameux affaire. On n'a pas fini d'en parler. Ce fameux type qui a été suicidé vraisemblablement dans sa prison. Et non, vous pensez pas ? Je pense qu'il est à l'abri quelque part et qu'il collabore. Ah bon ? Ça c'est mon idée. Ah oui, bon, c'est. Bon, c'est possible. Il y a plein d'hypothèses. Moi j'ai écouté aussi l'émission de Faits et Documents. Ouais. J'avais écouté avant ce dont ils se sont inspirés. Alors, c'est quand même le plus vraisemblable. Mais une affaire. La Belloubet, là. N'avait rien décidé du tout, on reculait, elle avait dit de quoi on se mêle, il n'y aura pas de plainte, etc. Bon, finalement, il n'y aura pas de plainte, c'est merveilleux. Finalement, grâce à cette association, eh bien, ils ont poursuivi ils ont déposé une enquête, ils ont placé une enquête, et il y a eu, je crois, 30 policiers qui ont perquisitionné dans l'appartement de ce Epstein, parisien. Au 22 à Uvu Foch, je crois qu'il avait un petit 800 mètres carrés. 15 jours après sa mort Oui, un petit studio, quoi. Ouais. 15 jours après sa mort, c'est à dire qu'on fasse le ménage. Alors, bizarrement, tardivement, et on a appris que le majordome, d'ailleurs, le fameux majordome, était déjà passé plusieurs fois, sans doute pour récupérer les choses compromettantes. Bon. Donc, ils n'ont pas dû trouver grand-chose. Ils n'ont pas dû trouver grand-chose. Alors qu'on sait que ce type-là a filmé probablement des tas de gens politiques et autres dans le monde. Dans des situations compromettantes. Je pense que l'affaire ne fait que commencer. Et alors, comme d'habitude, on a essayé de coincer Trump là-dessus. En fait, on s'est aperçu. C'est la bande. Un des seuls, en fait, collaboré à l'enquête, paraît-il. Il y avait plusieurs politiques américains qui avaient été convoqués, justement, il y a quelques années déjà, parce qu'il y avait déjà eu une affaire Epstein il y a quelques années. Et il paraît qu'il est un des seuls. à avoir, à s'être rendu aux convocations, avait dit, écoutez, si je peux collaborer. De Trump. Exactement. Oui, oui. Moi, ce qui m'amuse beaucoup dans les mises en cause de Trump, c'est qu'effectivement, Trump a fréquenté en son temps. Bon, oui, il l'a croisé en tant que milliardaire. Il l'a plus que croisé, il l'a fréquenté. Mais il n'y a pas de photo qui date de moins de 20 ans. Oui, oui, exactement. Il a passé les choses en 20 ans. Oui, et entre milliardaires, bon, je crois même qu'il lui a emprunté son avion une fois. Alors qu'on apprend que Clinton, qui disait « Non, non, moi j'ai voyagé très rarement dans cet avion », on s'est aperçu qu'il est 32 fois, il était sur le truc. Et il a été à chaque fois à Lille, la fameuse île où il s'organisait partout. Bon, des trucs effrayants. Donc les Clinton ont l'air extrêmement mouillés. Le Clinton, il est venu à l'enterrement de Chirac. Non, je ne sais même pas. Oui, il est venu à l'enterrement de Chirac. On aurait dû l'arrêter à cette occasion. Voilà. Qui a payé? La République française, non? Non, je pense que c'est la République. C'était émouvant. Ils ont mangé. Ils ont mangé dans le service de Jacques Chirac à l'Élysée. Vous voyez, c'est vraiment là. Mais ils ont vraiment tellement attendrissant. Je pense que l'affaire Epstein, c'est certainement dur pour le. Enfin, ça va être dur pour les Clinton et leur clique, mais ça va bien au-delà. Oui. Il y a quand même derrière un réseau de chantage. Qui se et je pense que décennies. Et je pense que Trump a décidé de vider le marais qu'il est très habile. À chaque fois, on essaie de le coincer et ça retombe. Oui. Regardez la dernière histoire avec l'Ukraine. C'est trop drôle. Absolument extraordinaire. Les types disent, on va faire un nouvel impeachment. Hein, on va le coincer, machin. Alors il a téléphoné au président ukrainien. Bon, alors qu'est-ce qu'il lui a dit au président? Alors quelques jours après, eh bien Trump donne l'enregistrement officiel de la conversation. Eh bien, il lui demande de faire une enquête sur l'ancien vice-président américain. Bon. Non pas parce qu'il est le futur candidat, paraît-il, à mon avis, il ne le sera pas, mais futur candidat des démocrates. Mais c'est pas à cause de ça. C'est parce que c'est un escroc, très probablement, et que il veut qu'il y ait une enquête en Ukraine, tout à fait officielle, sur les manigances de ce type-là, et qui a fait des manigances non seulement en Ukraine, mais en Chine également, hein. Oui. Son fils travaillait pour les ils trucs. Ils n'ont jamais etc. assez, ces gens-là. Non, ils n'ont jamais assez. Vraisemblablement, ce vice-président américain est un escroc. Bon. C'est normal de faire une enquête. Et donc, il est tout à fait normal que un président appelle l'autre en disant, écoutez, est-ce que vous pouvez surveiller un peu qu'est-ce qu'il a fait quand il a négocié des contrats en Ukraine, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer? Alors que son fils était responsable d'une très grosse société et qu'il a eu touché des rétrocommissions mais hallucinantes, de milliards. Hein. Alors on peut quand un vice-président américain discute de contrats avec un pays et que son fils l'accompagne et qu'il est responsable de et qu'il a touché, c'est prouvé des rétrocommissions énormes. On peut se poser quelques questions. Et il est normal qu'un président... Alors, ça leur retombe dessus, à chaque fois. Ils essaient de le coincer. Oui, vous avez appelé tel truc. C'est exactement comme l'histoire de l'élection, quand on a dit qu'il était... Il avait été financé par les Soviétiques, etc., par les Russes. C'était totalement faux. Ils ont rien pu trouver. À chaque fois, il s'en sort merveilleusement. Pour l'instant, on se demande s'il tire pas lui-même les ficelles. Si, on a l'impression. Pour les orienter. Mais il est pas tout seul. Du mauvais côté. Il est pas tout seul. Il est très habile. Non, mais il a une sacrée équipe. Voilà. Et ce type-là, on a dit, c'est un clown, c'est un crétin. Il a appuyé sur. Oui, il a rien moins que crétin. C'est malin. C'est. Pour ce qui nous intéresse, pour ce qui concerne les enfants, revenons à notre sujet, j'ai l'impression que ce qui se prépare, alors ça nous met en position d'impatience, enfin, on voudrait que ça avance plus vite, hein. On voudrait que les révélations continuent, mais ce que cache cette affaire Epstein, c'est susceptible d'ébranler la totalité du pouvoir des gens en place. Dans le monde. Au plus haut niveau. Oui. Au plus haut niveau, partout. C'est-à-dire politique, financier, économique, spirituel et tout, je veux dire, les religions. Dans tout le monde occidental. Partout. Ah, ouais. Ça va jusqu'en Chine. Partout. Ouais, dès qu'il y a du fric, il va y avoir des... Il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis avec l'argent. L'argent, c'est le moyen. Le but, c'est le pouvoir. Oui, c'est vrai. L'argent, c'est le moyen. Oui, oui. Quand vous avez le pouvoir, vous n'avez pas besoin d'argent. Hein. Mmh. Mais ça va souvent ensemble. Il n'avait jamais un sou sur lui, ouais. Il a eu le pouvoir. Il y avait toujours des gens pour payer avec lui. C'est vrai qu'il avait le pouvoir. Il déclarait le niveau de sa caisse de livret de caisse d'épargne. Tout le donc, monde rigolait. Si vous voulez, derrière tout ça, il y a des gens qui sont fous de pouvoir. Et la folie de pouvoir, c'est le diable. Hein. C'est Lubris. Ça, oui, Lubris. Voilà. Bon, j'aime bien dire le diable. Ça parle aussi beaucoup. Hein. C'est vrai. Ouais. Et j'ai l'impression que ce qui se prépare là dans cette affaire Epstein, c'est vraiment susceptible d'ébranler complètement, de renverser complètement le monde de fou dans lequel nous sommes. Et c'est vraiment porteur d'espoir. Mais là, les enfants sont en danger. On dirait qu'ils accélèrent. Ils accélèrent. Ils font de plus en plus. Ils sexualisent de plus en plus les enfants. Et l'affaire Epstein, ça met ça en. Sur les jeunes filles. Les jeunes filles en particulier. Il paraît que Des filles de 12 ans. Mais attendez, pour les autres, c'est les jeunes garçons. La sexualisation des enfants, c'est vrai que je trouve que c'est particulièrement. Oui, mais dans la rue, par exemple, on voit des petites filles très sexuées, très habillées comme des petites dames, parfois. Le sac sur l'épaule, déjà des cheveux avec des mèches, mais des petites filles de 9, 10 ans, 8 ans, 9 ans, parfois qui sont déjà très, justement, très sexuées, même dans les vêtements. Comment les parents trouvent des vêtements pareils, d'ailleurs. Dans l'affaire Epstein. Parce que ça se fait. Dans cette affaire Epstein, en plus, il faut dire qu'il y a deux grands disparus, là, on ne sait pas pourquoi, comme par hasard. C'est le Brunel, Brunel. Et alors lui, comme par hasard, et depuis qu'on le cherche, enfin qu'on veut lui poser quelques questions, ben il est parti en Amérique du Sud, paraît-il. Il est introuvable. Hein. Bon, ça c'est extraordinaire. Il a quand même été photographié en Argentine. Oui, oui. Alors c'est extraordinaire, il est introuvable. Comme un ancien nazi. Et l'autre femme, comment elle s'appelle, Maxwell. Ah bah oui, elle est introuvable aussi. Alors qu'il paraît que c'était la grande rabatteuse de cette. Alors tout ça, c'est extraordinaire parce que Maxwell, c'est la fille du magnat de la presse anglaise. Tous des catholiques, sans exception. non. Voulez-vous? Alors, qu'est-ce que j'entends? On dit cependant que le Maxwell qui, vous savez, est tombé de son yacht disparu de façon un peu mystérieuse. C'est pareil. Il aurait été agent du Mossad et que sa fille également et que peut-être Epstein également. Maxwell touche toujours la peine d'en rajouter. Voilà. Ouais, je crois que c'est plus que peut-être. En tant que bon catholique, évidemment, c'est fâcheux. Moi, ce que je voudrais revenir sur le sujet des enfants, ce que montre tout ça, c'est que tout ce processus enclenché de retirer l'autorité des parents va livrer les enfants à ces gens-là. Complètement. Oui. C'est-à-dire qu'il existe un marché de la pédophilie. Vous avez des gens qui sont prêts à payer très cher pour avoir des enfants à violer, à abuser, ce sont des prédateurs. Hein. Ça n'a rien de sexuel, à la limite. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le sexe, c'est mâle plus femelle pour donner la vie. Tout le reste, c'est des... Et beaucoup de jeunes filles de 16 ans sont prêtes à faire beaucoup de choses contre beaucoup d'argent, il faut le dire aussi. Parce qu'on leur dit que c'est bien. Parce qu'on ne les a pas éduquées pour leur dire que... Pas voilà. Uniquement. Parce qu'on leur dit que c'est normal. Quand on les écoute bien, il y en a beaucoup qui rêvent à l'amour, mais qui n'oseraient pas dire une énormité pareille de peur de se faire moquer aussi. Ça existe aussi. On rencontrait le prince Andrew. Mais je pense aussi qu'on met tout systématiquement en valeur au cinéma ou dans les téléfilms, etc., des exemples de gens qui, justement, la prostitution, ça devient presque banal. La prostitution, elle est dans les droits sexuels. Oui. Dans les droits sexuels qui ont été proclamés par les Nations Unies, il est dit que parmi les droits sexuels, il y a le droit à l'éducation sexuelle. Et quand vous regardez tous les textes publiés, que ce soit par l'UNESCO ou par l'Organisation mondiale de la santé sur l'éducation sexuelle, vous allez voir qu'on attaque l'éducation sexuelle à l'école. Hein. Maintenant, c'est plus l'éducation sexuelle, c'est à la sexualité. Vous voyez la nuance. Ouais. On attaque à l'école maternelle sur la masturbation, indispensable de faire connaître aux enfants la masturbation. Oui, bien sûr. Ils n'avaient pas pensé tout seuls, il faut les aider. Ouais. Et à partir de 14-15 ans, ce qu'on appelle les relations sexuelles transactionnelles. Ça s'appelle la prostitution. Ouais. Donc ça fait partie des droits sexuels. C'est dément. Et vous avez derrière ça la mise à jour d'un gigantesque réseau mondial de gens qui vont consommer. On est en train d'arracher les enfants aux familles pour les livrer aux prédateurs. Oui, c'est vrai. Alors ça passera ou ça passera pas? À mon idée, ça passera pas. C'est-à-dire que dans les textes, c'est passé, mais là, il y a un réveil. Il y a un réveil des parents. Ouais, il y a un réveil des parents, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent loin de leurs enfants dans certains cas. Enfin, l'école formate tellement les enfants. J'ai quand même beaucoup de parents qui voient très peur leurs enfants, qui partent travailler le matin à 8h, 8h30, qui rentrent le soir, qui récupèrent les enfants, c'est une nounou, qui les pédine, tatata. Mais c'était... Ils voient leurs enfants deux jours par semaine, le week-end, et encore, ils les mettent parfois devant la télé, etc. Enfin, voilà. Et quels que soient les milieux, cela dit, hein, même chez les bourgeois ou chez, enfin, quels que soient les milieux, soit les enfants restent à l'étude ou à l'école au centre aéré, là, jusqu'à 18h, soit parfois c'est les nounous, etc., etc., jusqu'à, et voilà, et les parents rentrent, ils voient très peu leurs enfants, et finalement, les enfants deviennent des étrangers. Et les enfants sont éduqués par l'école et formatés par l'école. Quand je vois, par exemple, justement, les écoles, l'école est censée instruire, mais le niveau scolaire est devenu désastreux. Mais c'est complètement affolant. Regardez, par exemple, juste un petit exercice de grammaire qui est assez symbolique. Galilée, enfin, c'est A accent, A sans accent. Galilée a vécu en Italie de 1564 à 1642. Il a perfectionné les lunettes astronomiques. Il a été jugé en 1633 par l'Inquisition, un tribunal chargé de faire respecter les idées de la religion catholique. L'Inquisition n'hésitait pas à torturer et à faire brûler vifs ceux qui n'avaient pas les mêmes idées. Dans un exercice de grammaire, vous voyez ce que je veux dire ? Comme ils arrivent systématiquement à insidier. Alors que c'est faux. Quand on va chercher la réalité de ces choses-là, c'est jamais le cas. C'était un fervent catholique. Oui. Et c'est extraordinaire. C'est comme ils trouvent toujours le moyen de glisser des idées, ou bien dans les poésies qu'il faut apprendre. On ne parle pas des protestants. Non, bien sûr que non. Et ça, c'est une leçon de grammaire. Une leçon de grammaire. Ouais, les poésies qu'ils font apprendre aux enfants, par exemple, c'est René Filombé, poète camerounais. Alors, pas camerounais, bah, évidemment, non, on n'a pas assez de poète en France. J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur pour avoir un bon lit, pour avoir un bon feu. Bon, là, jusque-là, ça fait assez Brassens, hein, pourquoi pas. Pourquoi me repousser ? Ouvre-moi, mon frère. Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Asie, si je suis d'Europe ? Pourquoi me demander la longueur de mon nez, l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau et le nom de mes dieux ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ouvre-moi ta porte, car je suis un homme, l'homme de tous les temps, l'homme de tous les cieux, l'homme qui te ressemble. La niaiserie. Un vilain raciste. Non, mais c'est ça. C'est incroyable de trouver le moyen de glisser systématiquement des vous voyez ? Je pense qu'il va y avoir des retours de bâton. Je l'espère. En tout cas, si on suit Eindhoven, dont vous avez peut-être entendu Raphaël Eindhoven, dans le discours qu'il a tenu, j'y ai assisté. Il y a le fils qui est encore pire. J'y ai assisté, c'était invraisemblable. Non, j'ai pas suivi. À la convention de la droite. Oui, à la convention de la droite. C'était invraisemblable. Enfin, il nous a traités de réacs, de salopards, de trucs. Mais c'est bien d'être réac. Moi, j'aime bien être réac. Comment ne pas être réactionnaire ? Les gens qui réagissent ou les gens qui se laissent faire ? Je préfère les réacs. Moi, je dis toujours, je préfère être réactionnaire qu'actionnaire. Non, mais de toute façon, quand on se balade dans la réactionnaire, mais attendez, je voulais dire que. Certainement, si on va dans le sens de le progressisme, hein, tel que nous l'a décrit Eindhoven, eh ben, de toute façon, on a LGBT pour l'instant, on est d'accord. Allez-y. Mais on va rajouter LGBTQ. Un P. Attends. On va rajouter P pour pédophile, pour pédomaniaque. On va rajouter N pour nécrophile, bien entendu, pour narcissique. Et puis G pour gérontophile. Bah oui. Bien entendu. Hein, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'amour des vieillards. Ou chronophile. Bon, alors florophile, pour les amoureux des végétaux, qui veulent faire des amours avec un cactus, etc. Pourquoi pas ? Oh mon Dieu, j'avais pas pensé alors, à ça. Alors, zoophile, là c'est tous les animaux du monde, bah, bien sûr, il faut des droits pour ça. Robotophile, les gens qui adorent les robots. Il y a déjà des gens qui se tapent des voitures, hein, voilà, paraît-il. Bien sûr. Et alors, attendez, parce qu'il y en a beaucoup. Je suis désolé, c'est vraiment pas ça. J'ai mon idée sur ce qu'est le sexe, à mon idée, c'est pas ça. Attendez. C'est Cronenberg qui avait fait un film qui s'appelait Crash. Soyez sages, c'est pas fini. Il y a aussi les crétinophiles, pourquoi pas. L'onanisme, bien sûr. Victimophile, les gens qui adorent les victimes, un peu comme George Sand dont on parlait. Ça, c'est très contemporain. Et puis, évidemment, on est parti sur le mariage pour tous. Hein, vous vous souvenez, le mariage pour tous, la revendication qui suivait le Pax, etc. Alors, le mariage pour tous après le Pax. Eh bien, le mariage pour tous, naturellement, nous allons vers le mariage entre enfants. Entre deux enfants de bas âge, pourquoi pas. Oui, le mariage, le mariage entre un enfant et un vieillard, Bien entendu. Bon, entre deux enfants, je suis pas complètement contre. C'est ça arrivé souvent dans l'histoire de France. Pourquoi pas? Pour arrêter les guerres. Tais-toi. Jamais consommer. Ah bah oui, le mariage entre homme et animal, et un animal, bien sûr, entre un homme et une plante, un homme et un objet. Pourquoi pas? Hein, oui, la voiture. Entre frères et sœurs. Voilà. Un mariage entre un enfant, ouais. Mariage entre deux enfants, entre hommes et animal, entre hommes et plantes, entre hommes et choses, etc., etc. On peut tout imaginer. Ouais. Et pourquoi on ne ferait pas des lois nouvelles pour donner des droits, protéger et satisfaire toutes les perversités? Mais c'est déjà le cas, voilà. cher monsieur. Tout encore, malheureusement. Je suis désolé, lisez les droits sexuels, la déclaration des droits sexuels, tout est autorisé, tout est promu. Ouais. Regardez. Tant qu'il y a de l'amour. Il n'y a pas encore de mariage avec les plantes. Bon, mais ça va. C'est pas ce qui ferait le plus de mal entre nous. C'est pas parce qu'il n'y en a pas que ça n'est pas prévu dans les droits sexuels que tout est permis. Ouais. Sauf si la plante proteste vigoureusement. Bah oui. Là, si la plante n'est pas d'accord, on n'a pas le droit de la violer. Le cactus, par exemple. Mais quoi, c'était dans Vendredi ou La Vie Sauvage, il y a des scènes d'amour avec les plantes, vous savez, Les Limbes du Pacifique de Michel Tournier, on voit. Ah, oui. C'est normal, parce que tu connaissais les mœurs de Michel Tournier, non? Non. Ah, d'accord. Faut quand même le dire, allez, on vous écoute, parce que je suis au courant, allez, que ça vienne de vous. Vous êtes au courant? Bah, bien sûr, dites-le nous. C'est un pédophile notoire. D'ailleurs, tous ces bouquins tournent autour de ça. Mais bien sûr, c'est bien sûr. Voilà. Et les enfants sont tellement contents. Il n'y a pas d'enfants, sur l'île. Voilà. Nous avons 4 minutes encore. Alors, qui voudrait dire quelque chose, puisque nous n'avons pas eu la belle voix de... Est-ce que je peux dire quelque chose sur la promotion de l'homosexualité et du transgenrisme? D'où ça sort, ça, à votre avis? Bien sûr. À votre avis, d'où ça sort? Pourquoi brusquement... Alors, c'est venu en plusieurs étapes. Il y a eu Alfred Kinsey. Non, oh là là, Alfred Kinsey, 1948. Kinsey. Alfred Kinsey était quand même un pédéraste notoire. Hein. Bon, enfin, notoire, pas si notoire que ça, parce qu'il jouait l'époux modèle. Mais enfin, bon, c'était un pédéraste. Et il a largement promu le sexe comme on a envie. Mmh. Donc, par derrière, alors c'était pas ostensiblement dit, mais c'est ça qui était derrière. Et juste derrière la révolution sexuelle de 1948, est arrivée l'association NAMBLA. 68, pardon. Révolution sexuelle de 1968. Alors, il y a eu 48. Ah, 48 déjà, je sais pas. 48, c'est Kinsey. Ah, d'accord. 48, oui, c'est Kinsey. Pardon. Ensuite, 1969... on va promouvoir l'homosexualité au titre du nouvel ordre mondial qui se prépare. 1969. On s'adresse qu'aux sociétés occidentales blanches. Oui, voilà. Ensuite, 1978, voit à Boston l'association des hommes amoureux des enfants. Ah oui. Et ces gens-là, d'où sont nés les mouvements de promotion de l'homosexualité, ce qu'on appelle les gay prides, c'est-à-dire les marches de fierté, ils ont dit tout ce qu'ils devaient à Alfred Kinsey. Ouais. Ce sont des gens qui ont rendu hommage à Alfred Kinsey. Oui, mais ça m'étonne pas. On voit défiler dans ces chars des gamins à quatre pattes enchaînés par des types déguisés en cuir. Enfin, il suffit de voir les petites annonces dans Libération dans les années 70. Exactement. Alors, en 1990, l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est encore l'ONU, a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, je ne sais pas, mais la décision a été uniquement politique et sans aucune argumentation médicale. Oui. Alors, si c'est pas médical, pourquoi est-ce que c'est les OMS qui s'y collent? Vous voyez ce que je veux dire? Hein? D'ailleurs, notre ami, notre grand humoriste Jean Richard, avait fait un sketch sur Kinsey. Là, Kinsey. Kinsey. Oui. Ah, vous le connaissiez? C'est extraordinaire. Alors, il disait, il n'y a qu'un sec qui sait. C'était très drôle. Et alors, je voulais vous signaler qu'en 2006, en Indonésie, dans une ville qui s'appelle Yogyakarta, 26 brillants experts, alors là, il faut répéter brillants experts, parce que c'est eux qui se sont autoproclamés comme ça, brillants experts, des droits humains, ont édicté les principes de Yogyakarta qui disent que on a le droit de changer de genre, on a le droit de changer de genre, et même les enfants ont le droit de changer de genre. C'est même un devoir. Et on va rendre contraignant pour les États, de la façon qu'on trouvera, l'obligation de promouvoir l'homosexualité. Oui, c'est ça. On n'a plus le droit de s'opposer à l'homosexualité, c'est un droit fondamental d'être homosexuel. On a même le devoir de le promouvoir. Et il faudra éliminer, disent les principes de Yogyakarta, tous les préjugés et pratiques coutumières opposées à ces droits. C'est-à-dire la civilisation. C'est affolant. Et c'est l'ONU. Cherchez l'ONU. Et l'ONU qui se fait régulièrement prendre la main dans le sac à violer les femmes et les enfants dans les... Dans les missions humanitaires, on les envoie. Parce que vous avez un gars de contrôlé l'ONU. Contrôlé par les Clinton, en général. Non, mais je veux dire, l'ONU, c'est pas les Clinton. Non, je parlais des associations. Oui. Mais vous avez, là où vous avez des gens de l'ONU qui arrivent avec le sigle ONU, le casque de l'ONU, les gens font confiance. Et en avant-marche, il paraît qu'il y a des milliers de plaintes en souffrance, des milliers. Mais ça, avec l'affaire Epstein, je vous dis, ça va sortir à un moment. Je l'espère. Parce que tous les gens qui sont témoins de ces horreurs et qui sont obligés de se taire et qu'on n'écoute pas ou qu'on zigouille. Ces gens-là sont encore vivants et ça avance. Voilà, et bien l'émission malheureusement est terminée. Oh, c'est dommage. Nous avions plein de choses à dire, mais nous reviendrons à ces sujets très importants. Voilà. Et bien, à très bientôt. Prochaine émission, nous parlerons de la salette. C'est quand ? La prochaine émission, c'est le 31 octobre. Voilà. Vous venez d'entendre Anthologie de la création, dirigée par Daniel Abrecorn, assistée de Stanislas, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 3 octobre 2019 de 10h45 à 11h45 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.